Papo tapate, papo tapita, papo topé, topate pati pato. J'ai dans la tête une foule de gens qui palabrent sans cesse. Ce sont mes petits habitants et parfois ils me stressent. Certains d'entre eux sortent du lot, alors je les ai nommés. D'autres agissent dans mon dos. Laissez-moi vous présenter, Sister Stratosphère se moque de ce qui se passe sur Terre. Tous les soirs elle met les voiles et part tutoyer les étoiles. Mistress tout se tord d'impuissance, la folie des hommes lui a pris tous ses mots. Elle ne croit plus en l'innocence, mais démonte à la main un à un tous ses barreaux. J'ai dans la tête une foule de gens qui palabrent sans cesse. Ce sont mes petits habitants et parfois ils me stressent. Je ne peux pas leur parler, je ne crois pas qu'ils m'entendent. Pourtant ils rythment mes journées, ce serait bien qu'on s'entende. Malou et tonton Gébobola se racontent sans cesse leur malheur. Leur tout petit monde ne se résume qu'à décortiquer les douleurs. Quant à ce gros lourdeau qu'on appelle MC Sarcastos, il aime surtout montrer ses biscottos. Quand il y a du public, il sort ses répliques de salam aiguisé à la soude de caustique. C'est le pote à Joe Cleaner dont la les poussières de rêve qui se baladent dans mon cœur. J'ai dans la tête une foule de gens qui palabrent sans cesse. Ce sont mes petits habitants et parfois ils me stressent. De contradictions en désaccord, on frôle parfois l'invraisemblance. Il m'en faut des El Señor, moi je bombe fier le torse. Moi je ne vois pas vos regards appuyés, enfermé qu'il est au creux de son écorce. C'est les volets clos qu'il passe ses journées. Seul peut le déloger le général toitu, qui d'un air jovial ouvre toutes les fenêtres et offre son aide même à des inconnus. Ne désespérez pas, vous le croiserez peut-être. J'ai dans la tête une foule de gens palabres sans cesse. Ce sont mes petits habitants et parfois ils me stressent. Mais quand je ferme les yeux, alors j'entends ce qu'ils disent. J'aime quand ils sont heureux. J'ai connu ça une fois ou deux. J'ai dans la tête des petits habitants des petits habitants, dans la tête des petits habitants.